Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous sommes. Une seconde. Donc, aujourd'hui, c'est le 29 Sha'ban, dimanche 29 Sha'ban, correspondant au 1437, correspondant au 5 juin 2016, Inch'Allah ta'ala. Donc on termine, inshallah ta'ala, le cours passé sur le siyam bi'idhnillah ta'ala. Donc comme j'ai dit la fois passée, Fawzi, je ne vais plus voir le salon. Je ne vais plus voir le salon. S'il y a quelque chose, tu m'arrêtes bi'idhnillah ta'ala. Salam alaikum. Donc on continue, inshallah. Plutôt on commence. Plutôt on commence. Donc, on avait dit la fois passée, que yani pour que le jeûne soit obligatoire, il faudrait que la personne yani remplisse les conditions. Il faudrait que la personne remplisse les conditions. On avait cité, il faudrait que la personne yani soit musulmane. Ensuite, que la personne soit pubère. Ensuite, que la personne ait la raison. Ensuite, que la personne ne soit pas malade. Ensuite, que la personne soit résidente. Et on s'est arrêté, dame, aux deux derniers. C'est-à-dire, le fait que la personne soit résidente et que la personne ne soit pas malade. Une seconde. Donc, je disais, aujourd'hui, donc, on va parler de quoi? Yanné, parmi les conditions, c'est qu'il soit résident et c'est qu'il ne soit pas malade. On commence par le fait qui ne soit pas malade bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala cite le verset wa man kana Allah ta'ala dit wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Baqara 185. Traduction rapprochée: et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne plus tard, c'est-à-dire qu'il rattrape un nombre égal en jour. Allah Azza wa Jal veut pour vous la facilité et non la difficulté. Ou le malade ala qismain. Et le malade, yani, se divise en deux. Il y a deux groupes de malades. Ahaduhuma, man kana maraduhu laziman mustamiran, la yurja zawaluhu kasaratan, fahada laizamu sum. Il y a la personne qui est atteinte d'une maladie chronique, c'est-à-dire on n'espère pas sa guérison. Il a cité comme exemple le cancer. Il a dit celui-là, yani, il n'est pas, yani, il ne doit pas jeûner. Yani, il ne jeûne pas. Le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Parce que il n'a pas, yani, disons, il y a des jours où il peut jeûner, puisqu'il est tout le temps malade. Sa maladie est chronique. Il faudrait qu'il soit guéri pour pouvoir jeûner. Celui-là ne peut pas. C'est-à-dire que, au lieu de jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir un pauvre pour chaque jour raté, pour chaque jour qu'il a mangé du mois de Ramadan. Il a dit, imma bi an yajma'a masakin bi 'adad al-ayyam fa yu'ashiyahum aw yughdiyahum kama kana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yaf'aluhu hina kabir. C'est-à-dire, il a dit, ou bien, il a deux, disons, deux solutions, ou deux façons de le faire. Donc, pour nourrir les pauvres, ou bien, il va réunir, grouper, hein, autant de pauvres que les jours qu'il a mangé. Ensuite, il va leur offrir, yani, à manger, soit à dîner, soit, comme a fait, qu'on faisait le sahabi, Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est devenu âgé. Et la deuxième façon, imma bi an yufarriqa ta'in bi 'adad al-ayyam li kulli miskin rub' sa' nabawi. Naam. Ou bien il va donner à chaque personne, ou plutôt à chaque pauvre, naam, l'équivalent d'un quart du sa', le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sa', c'est-à-dire le fait de prendre avec les deux mains quatre fois. Une fois, ça s'appelle moud. Quatre fois, ça s'appelle ça. Il a dit, c'est l'équivalent à peu près de 510 grammes de blé de yani, haute qualité. 500 grammes, 510 grammes de blé de haute qualité. Ça, si c'est du blé. Sinon, si c'est du riz ou des lentilles ou des haricots, il faut plus de 2 kilos. Au moins 2 kilos et demi, à peu près. Dans certains livres, il dit 2 kilos 100 grammes. Dans d'autres, il dit 2,5 kg. Donc, nous, on donne 2,5 kg pour sortir, yani, des divergences. Et si on donne peut-être 3, c'est encore mieux. À condition de mettre dans l'intention que ce qui a dépassé la mesure légiférée, c'est Sadara. C'est Sadara. Nam. Il dit ici, wa yahsunu an yaj'ala ma'ahu ma ya'dumuhu min lahmin aw duhn. Il a dit, et il est préférable, quand on donne aux pauvres, par exemple, on lui donner du blé ou du riz ou bien, de donner avec, par exemple, un morceau de viande. Hein, ou bien, il y a né quelque chose qui est comme, par exemple, de la sauce. Ou bien, dohn. Hein, il y a né comme. C'est pas sec, seulement du riz comme ça sec. Quelque chose avec, pour faire, par exemple, une sauce ou quelque chose comme ça. Ou un mitlou d'alik el kabir. العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو طعام مسكين. Il a dit il en est de même pour la personne qui est âgée, non? Et vraiment âgée au point elle ne peut pas jeûner, c'est-à-dire que ça lui est difficile. Cette personne, même si elle n'est pas malade, mais seulement âgée et très âgée, et a des difficultés pour jeûner. Elle doit quoi? Elle doit nourrir pour chaque jour non jeûné. Elle nourrit un pauvre. Comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Fidyatun ta'amu miskin. Ça, c'est la première catégorie du malade. On avait dit il y a deux catégories. Première catégorie, il a une maladie chronique. Voilà ce qu'il doit faire. Maintenant, من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله. Maintenant, on va parler de celui qui a une maladie qui n'est pas chronique. Non. Yani, qui yani, d'habitude, non. Yani, bi'idna ta'ala se guérit, il se soigne. Et on, bi'idna ta'ala, et on guérit d'elle. Il a cité comme la fièvre, quel humma, wa shubhiha, comme la fièvre, et ce qui lui ressemble. Et celui qui a une maladie qui n'est pas chronique, comme la fièvre par exemple, il a dit celui-là a trois cas. Celui-là a trois cas. Ou trois états. Le premier cas ou le premier état. Le premier cas, cette personne qui a une maladie qui n'est pas chronique. Yani, il ne lui est pas difficile de jeûner. Le jeûne ne lui fait pas du mal. Non. Mais celui-là, il a dit, il doit obligatoirement jeûner. Non. Il doit obligatoirement jeûner. لأنه لا عذر له, car il n'a aucune excuse. Deuxième cas, il y a chouqa alayhi s-sawm. Deuxième cas, la personne, pour elle, yani, il est difficile de jeûner. Il est difficile de jeûner. Naam, il a dit, mais ça ne lui cause aucun tort. C'est juste difficile de jeûner, mais ça ne cause aucun tort ni préjudice. Il a dit, celui-là, yukrah lahu s-sawm. Celui-là, par rapport à lui, naam, il vaut mieux qu'il ne jeûne pas. Il est détestable pour lui qu'il jeûne. لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشفاق على نفسه. نعم, مع الإشفاق على نفسه. Il a dit, à cause que Allah subhanahu wa ta'ala, يعني, lui a donné une permission de ne pas jeûner. Et celui-là, c'est comme si, s'il ne voulait pas prendre de, يعني, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Ça, donc, c'est quoi? C'est le deuxième cas. Maintenant, il a cité le troisième cas. En yadurrahu s-sawm, fa yahrum alayhi an yasum. Maintenant, troisième cas, la personne qui a une maladie qui n'est pas chronique, cette personne, le siyam va lui faire du mal et lui porter préjudice. Celui-là, il est interdit pour lui de jeûner. Il est interdit pour lui de jeûner. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas vous-même. Allah est certes miséricordieux avec vous. Ne vous tuez pas. Naam. Et dans le hadith du Nabi alayhi salam, sallam, لا ضرر ولا ضرر. Et le prophète alayhi salam sallam a dit dans un hadith, nul tort, ni à soi-même, ni à autrui. Nul tort, ni à soi-même, ni à autrui. Naam, ce hadith se trouve dans يعني الشيخ الألباني دي أوتنتيك دون إرواء الغليل نميرو 896 maintenant le شيخ دي ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه il a dit comment on sait maintenant si on est malade ou on n'est pas malade c'est-à-dire si cette maladie pendant le ramadan pendant le jeûne nous porte préjudice ou pas comment on va le savoir il a dit ou bien c'est la personne elle-même qui ressent le mal, donc elle sait qu'elle ne peut pas jeûner, ou bien si on est consulté par un médecin digne de confiance, et c'est lui qui donne le verdict de ne pas jeûner ou déconseille le jeûne. Nan. Il a dit, وَمَتَ أَفْطَرَ الْمَرِيدُ فِي هَذَا الْقِسْمِ فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطر إذا عوفي. Et maintenant, si la personne dont on parle, qui est atteinte de maladie, qui n'est pas, yani, qui n'est pas chronique, naam, et que maintenant elle a décidé de manger, ou bien que le médecin lui a déconseillé de jeûner, cette personne, naam, il a dit, dès que Allah subhanahu wa ta'ala guérit cette personne, elle doit quoi? Elle doit rattraper les jours. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُعَافَتِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْقَضَاءُ. نعم. سَقَطَ عَنْهُ الْقَضَاءُ الْمَرِيضُ لِأَنَّ فَرْضَهُ أَنْ يَصُومَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامِ الْأُخَرَ وَلَمْ يُدْرِكَهَا. Maintenant, il a dit, si jamais cette personne, يعني, n'est pas guérie et meurt, il a dit, avant la guérison, il a dit, cette personne n'est plus redevable, yani, de jeûne. C'est-à-dire, puisqu'elle est morte, donc, elle n'a rien à rattraper, c'est-à-dire que même nous, on ne rattrape pas à sa place. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, yani, n'a pas eu l'occasion de rattraper. La preuve, c'est qu'elle est morte en tant que malade. Naam, si elle a été guérie, ensuite n'a pas jeûné, d'accord. Maintenant, yani, elle n'a pas eu le temps de rattraper, elle est morte. Ça, c'est par rapport aux malades. Quant au voyageur, le voyageur lui aussi, on a dit voyageur ne jeûne pas, le voyageur aussi, il y en a deux sortes. Ahaduhuma, an yaqsida bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitr. Celui qui voyage, mais avec l'intention de, yani, si je puis dire, juste pour ne pas jeûner. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une ruse. Il veut ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, bon, yani, il fait chaud, etc. On est en plein mois d'août, donc c'est difficile de jeûner. Ensuite, il dit, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux voyageurs de ne pas jeûner. Donc, demain, je vais voyager. Donc, c'est quoi son but? C'est pas le voyage. C'est pour ne pas jeûner. Il dit après, en hiver, inshallah ta'ala, quand les jours seront courts, je vais rattraper. Donc celui-là, est-ce qu'il a voyagé pour le voyage ou il a voyagé pour ne pas jeûner? Il a voyagé pour ne pas jeûner. Il veut ruser avec Allah subhanahu azzawajal. Naam. Donc on a ce premier cas. Et celui-là, bien sûr, c'est pas la peine de dire que c'est haram ce qu'il a fait. Wa thani, et le deuxième cas, man la yaqsid dhalik. Celui qui voyage pour une raison, pas pour éviter le jeûne, mais pour une raison, inshallah ta'ala, yani valable. Celui-là se divise en trois cas. Celui qui voyage pour une raison valable se divise en trois cas. Le premier cas, an yashuqqa alayhi as-sawm mashaqqatan shadidatan fayahrumu alayhi an yasum. Premier cas, celui qui voyage, hein, mais pour lequel le jeûne, yani pendant le voyage, lui est très difficile. Non, lui est très difficile. Et ça rentre, yani, ça lui donne, yani, ça le fait souffrir même, si je puis dire. Là, dit celui-là, c'est haram pour lui de jeûner. Haram pour lui de jeûner. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était une fois dans Ghazwat al-Fath, sa'iman. فبلغه أن الناس قد شق عليهم صيام وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون فقيل له إن بعض الناس قد صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة رواه مسلم. Une fois le prophète عليه الصلاة والسلام était en voyage, نعم, à cause d'une bataille ou d'une conquête, et on lui a dit, on l'a informé que, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, les sahabas, que vraiment ils souffraient et que il aurait été difficile de jeûner et qu'ils attendent qu'est-ce qu'il va faire. Alors il a demandé après sa classe qu'on lui rapporte, yani, comme yani, quelque chose comme une petite bouteille dans laquelle il y a une grande tasse comme ça, plein d'eau, et il l'a bu, yani, devant les gens pour que les gens, yani, sache que voilà, yani, il vaut mieux que vous buviez. Ensuite, on l'a informé que certains des sahabas ont continué à jeûner et n'ont pas voulu rompre le jeûne. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ce sont, yani, les pécheurs, le rosat. Ceux-là, ce sont les pécheurs, ou bien ce sont ceux qui désobéissent. Ce sont ceux qui désobéissent. Le hadith est rapporté par musulman. Car comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut tenir plus que toi, qui craint Allah ta'ala plus que toi, a bu? Et il a bu pour toi. Sinon lui, il pouvait jeûner. D'ailleurs, sa sunna c'était qu'il jeûnait pendant le voyage alayhi sallam. Donc, à cause de toi, il a bu. Ensuite, toi, tu ne veux pas boire. Tu dis, non, moi, je continue à boire. Il a dit, ceux-là, ce sont des pécheurs. Non. Le deuxième cas pendant le voyage, il y a le cas où la personne qui, maintenant, si elle va voyager, ça, elle va sentir, yani, un malaise ou quelque chose comme ça. Il a dit, mais yani, ce n'est pas vraiment un grand malaise. Ils ne sont pas un grand préjudice. Non. Il a dit, celui-là, celui-là, malgré qu'ils ne sont pas un grand préjudice, mais le fait qu'il ait senti un malaise, comme ça, il a dit, le siyam devient détestable pour lui. Il vaut mieux qu'il mange. Car sinon, c'est comme si on ne voulait pas prendre de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a donné, yani, nous a donné la permission de yani manger dans un cas pareil, bi-idhnillahi ta'ala. Donc c'est mieux, bi-idhnillahi ta'ala, de manger. Et le hadith a dit ça, le troisième cas, pour le voyageur, an la yashuqa alayhi as-sawm, pour celui qui ne trouve aucun malaise, ni aucune difficulté, ni aucune souffrance pendant le jeûne. Celui-là fait yef'al aysar alayhi min as-sawm ou le fitr. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait ce qui est plus facile pour lui, soit jeûner, soit manger. Non. Certains, yani, le plus facile pour lui, c'est de jeûner. Il peut jeûner, c'est très facile. Donc celui-là, on lui dit, jeûne. Et l'autre, yani, le plus facile pour lui, c'est de manger. Non. On lui dit, mange, il rattrape après. Non. Il rattrape après. Yani, tu es libre, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité ensuite un verset et le hadith de Abi Darda, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit, il a dit, Kharijna ma'an nabi, sallallahu alayhi wa sallam, naam, le verset, il a cité, Yuridullahu bikum l'yusr, wa la yuridu bikum l'usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Il a cité le hadith de Abi Darda, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit, on est sorti avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage pendant le ramadan. Et il faisait tellement, il y avait tellement de chaleur que, yani, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'ils mettaient leurs mains sur leur tête pour que le soleil, yani, ne leur fasse pas mal. Yani, pour, disons, pour se protéger du soleil. Il a dit, aucun d'entre nous ne jeûnait. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Il a dit, tous, yani, nous tous, on avait mangé pendant ce voyage. Il y avait seules deux personnes qui ont jeûné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Rawaha. Donc, on dit que, vous remarquez ici, que, yani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les voyages, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait en jeûne. Lui, Abdullah ibn Rawaha. Donc, c'est ça la sunna pour celui qui ne trouve aucun malaise, ni aucune souffrance, bien sûr. Et si maintenant on dit, moi je veux manger, il est libre. La preuve, tous les sahaba mangent. Pourquoi? Le hadith a dit, il n'y avait que deux personnes qui jeûnaient. Le prophète Aslam et un autre sahabi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les autres sahaba yani, mangeaient, ont mangé pendant ce voyage. Ont mangé pendant ce voyage. Bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Donc on remarque que le prophète Aslam jeûnait. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux de jeûner pour celui qui n'a aucun malaise? Premièrement, il suit la sunna du prophète alayhi sallam. Deuxièmement, il fait de sorte que cette adoration qui est le siyam, yani, soit fait, cette adoration soit faite en son moment précis. Car quand tu jeûnes pendant le ramadan, tu as fait un il ada, tu as fait ce qu'il fallait faire en son temps. Mais si maintenant tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas rattraper. Donc tu vas jeûner pas pendant le ramadan, tu vas jeûner des jours du ramadan en rattrapage. Et ce n'est pas comme celui qui a jeûné en son temps. Le rattrapage n'est pas comme celui qui a jeûné en son temps. Car celui qui a jeûné en son temps a fait de sorte que l'adoration ait été en son temps fixe. Non. Quant à l'autre, il a fait sortir son temps pour la rattraper après, même si c'est permis, bien sûr. Et ensuite, troisièmement, quand on jeûne pendant le ramadan, c'est, comment on dit, ahwat, les dhimma. Ça veut dire que c'est plus sûr, plus garant, non, car rien ne prouve que je vais vivre jusqu'à ce que je rattrape après le ramadan. Personne ne m'a donné une garantie que je vais vivre pour rattraper. Et ensuite, il y a aussi une autre cause, qui est la quatrième ou la cinquième. Quand quelqu'un jeûne pendant le ramadan, on parle toujours du voyage, bien sûr. Quand quelqu'un jeûne pendant le ramadan, il va trouver, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il a jeûné avec tout le monde. Donc, il y a en quelque sorte un encouragement à jeûner. Mais par contre, s'il laisse pour après, pour rattraper. Ça va, peut-être, il va trouver de la paresse. Il va se trouver tout seul dans sa famille, peut-être à rattraper. Peut-être tout seul dans son quartier, peut-être tout seul dans sa ville. Donc, il n'y a pas celui qui l'encourage. Donc, il peut, yani, ne pas jeûner et dire c'est difficile. Mais par contre, s'il jeûne avec tout le monde, c'est plus facile, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tenbih, le cheikh dit, المسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها. Il dit, le voyageur est considéré qu'il est en voyage depuis qu'il quitte sa ville jusqu'à ce qu'il y revienne. Jusqu'à ce qu'il y revienne. ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة يعني مدة طويلة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله. Il a dit que la personne, quand elle quitte sa ville, elle est en voyage jusqu'à ce qu'elle revienne à sa ville. Il a dit, même s'il reste dans la ville vers laquelle il a voyagé ou le pays, même s'il reste là-bas, assez longtemps, tant que dans son intention, il n'a pas dans l'intention de rester dans la ville vers laquelle il a voyagé en tant que résident. Mais il a dans l'intention que quand il termine ses affaires ou les choses pour lesquelles il a voyagé, il revient vers sa ville ou son pays. Il a dit, si c'est comme ça, il est toujours en voyage. Donc il peut prendre avec les permissions, il peut prendre les permissions du voyage, c'est-à-dire manger pendant le ramadan et raccourcir bien sûr les prières. وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ. Même si يعني, il reste longtemps en voyage. لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْدِيدُ مُدَّةٍ يَنْقَطِعَ بِهَا السَّفَرُ. لِأَنَّهُ il a dit, car le prophète صلى الله عليه وسلم, rien, يعني, il n'y a rien de lui, صلى الله عليه وسلم, rapporté comme quoi il y a une limite pour la durée du voyage. C'est pour ça que je dis que Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, une fois il a raccourci la prière pendant 2 années au Shem. La même chose pour Misrouq. Il était à Silsila. Il a raccourci pendant 2 années. Aussi pour Abdullah ibn Omar. Il a raccourci pendant 6 mois quand il était en Adrabidjan. طيب الى دي ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمره وزياره قريب وتجاره ونحوه وبين السفر المستمر كسفر اصحاب سيارات الاجره وغيرها من السيارات الكبيره فانهم خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الاخرين من الفطر في رمضان وقصره وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم ومتى سافروا فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم مع المسافرين. الشيخ دي ici. Il n'y a pas de différence par rapport au voyage qui nous permet de prendre des permissions comme manger et raccourcir. Il n'y a pas de différence entre un voyage, c'est-à-dire qui vient comme ça par occasion, comme le fait d'aller au Hajj ou au Umrah ou bien voyager pour visiter un parent ou bien faire du commerce. Il n'y a pas de différence entre ce voyage qui permet le raccourci de la salat et qui permet de manger pendant le ramadan et le voyage naam al-mustamir et le voyage continuel qui est tout le temps. Il a donné comme exemple comme le voyage des gens qui ont des taxis, des voitures taxis ou bien autre chose. Non, ou bien les grandes voitures, il a dit. Car il y a des gens, par exemple, qui te disent, ils te disent, celui-là, c'est un taxieur. Il ne peut pas, ni manger pendant le ramadan, ni raccourcir la salat. Tu lui dis pourquoi? Il te dit car il fait ça tout le temps. Chaque matin, il se lève, et il va de d'Alger à Oran. Et il revient le soir. Et peut même faire ça 2 fois par jour. Ils te disent non, celui-là, il peut pas aller prendre des permissions. Il peut pas jeûner, faut manger, ni raccourcir. Il te dit parce que c'est pas un voyageur. Le voyageur, c'est seulement celui qui voyage par occasion. Le cheikh dit, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Non, même le taxieur, il peut ne pas jeûner. Même s'il fait ça tous les jours. Et il peut raccourcir sa salat, même s'il fait ça tous les jours. Il a dit, car tant que il a quitté son pays, non, ou bien sa ville, non, avec l'intention de voyager, il est devenu voyageur. Non. Il a dit, maintenant, quand il revient vers sa ville, il n'est plus voyageur. Il ne peut plus raccourcir la salat, ni yani, dire je mange, s'il n'a pas mangé quand il était en voyage. Sinon, il a dit, le taxieur, celui qui voyage tout le temps pour aller assez loin, hein, il a dit, celui-là, c'est un voyageur, et il a exactement yani, le même jugement que celui qui voyage par occasion. Non. Cinquièmement, maintenant, on va parler de Mufsidat et Saum. Yani, quels sont les annulatifs du Saum? Qu'est-ce qui rend caduque le Saum? Il a dit au Mufsidat et Saum, c'est bas. Et les choses qui invalident le Siyam sont au nombre de 7. Au nombre de 7. Je vais demander d'abord à Fawzi s'il m'entend d'abord. Je vais voir qu'est-ce qui se passe dans le salon. Fawzi, est-ce que les choses sont normales? Alhamdoulillah, normal, alhamdoulillah. Alors là, ça me rappelle une chose importante, alhamdoulillah, que je me suis rappelé, alhamdoulillah. C'est pour corriger une chose que j'ai dite la fois passée et que il y avait comme un amalgame. Moi-même, quand je vous ai quitté, et j'ai retourné la bobine dans ma tête, j'ai dit que c'était pas comme ça qu'il fallait expliquer. Je reviens jeudi. Par rapport à quand on a parlé du kafir, est-ce qu'il lui était obligé, yani, de suivre, d'appliquer ce qu'on a appelé la fois passée le furu'. Naam. Et on a dit que l'avis le plus juste, c'était que il était concerné par le furu'. Non. Comme il était concerné par au sol. Non. On a dit c'est ça la vie le plus juste. Mais en fait, ça c'est vrai et c'est comme ça, oui. Mais on entend par au sol. Le au sol, c'est l'iman. Bien sûr, tous les kofars sont concernés par l'iman. Tous les kofars doivent quitter la mécréance et rentrer embrasser l'islam. Ça c'est clair. Toute personne qui vit sur terre doit yani, adorer Allah subhanahu wa azzawajal, et ne peut l'adorer en autre temps qu'en étant musulman, bien sûr. Donc, par rapport à l'iman, la personne est concernée. Et par rapport à furu', c'est toutes les autres choses, ça rentre dans les furu', ça rentre salat, ça rentre zakat, ça rentre le hajj, ça rentre la piété familiale, ça rentre le fait de donner l'aumône, d'aider son frère, tout ça, ça s'appelle furu'. Et ils sont concernés aussi par le délaissement des péchés. Ne pas boire, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas. Juste ce que je voulais dire, c'est que salat, et zakat et hajj aussi, ça, les savants l'ont rentré aussi dans le furu'. N'ont pas rentré, comme j'ai dit la fois passée, dans le usul. Le usul, ils entendent par ça seulement l'iman. L'iman, ça, c'est à l'unanimité que chaque kafir est concerné par l'iman. Reste le furu'. Le furu', c'est la salat, les zakat et tout ce qui s'ensuit. On a dit, là, il y a une divergence entre les savants. Et le plus fort, inshallah ta'ala, c'est que même la salat, les zakat, là, toutes les autres choses, les kuffars sont concernés, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, on revient, on dit, yani, il y a 7 choses qui annulent le siyam. 7 choses qui annulent le siyam, bi'idhnillahi ta'ala. La première, il a dit, Cheikh Rahmanullah ta'ala a dit, el-jima', الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج فمتى جمع الصائم فسد صومه. Il a dit, la première des choses qui annule le siyam, c'est le rapport sexuel. Il a dit, le jima, le rapport sexuel, c'est le fait qu'il y ait pénétration du membre, c'est-à-dire de l'homme dans le membre de la femme. Naam. Il a dit, فَمَتَ جَمْعَ صَائِمُ فَسَدَ صَوْمُ. Si maintenant il y a pénétration du membre de masculin dans le membre féminin, il a dit donc, il n'y a plus, c'est-à-dire il a annulé son siyam. Il a annulé son siyam. On va voir bien sûr que ça c'est, s'il savait que c'était haram, etc. Il a dit, ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ وَصَوْمُ وَجِبٌ عَلَيْهِ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ لِفُحْشِ فِعْلِهِ. Il a dit, maintenant, si ce rapport sexuel a eu lieu pendant le ramadan, il rend le jeûne invalide, bien sûr. Non. Il a dit, pour la personne dont le jeûne est obligatoire, et que ce n'est pas un jeûne nafila, un jeûne obligatoire, et qui commet cette chose, il fait un rapport, il doit expier sa faute, non, en lui infligeant une uquba. Comment on dit une uquba? Yani, attendez, d'abord, comment il a dit lui le mot? Il a dit, kaffaratul mughalladha li fuhshi fi'li. Il a l'expiation, une lourde expiation. Il a une lourde expiation à cause du, yani, ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait. Naam. Il a dit, wahiya itru raqaba. Wahiya itru raqaba. Il doit quoi? Il doit affranchir un esclave. Il doit affranchir un esclave. Si jamais il n'y a pas d'esclave, il ne trouve pas. Naam. Il doit donc jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Et quand il commence à jeûner 2 mois, il ne s'arrête jamais, sauf pour une excuse. Une excuse comme maladie, ou bien comme menstrue pour la femme, ou bien comme voyage, car pendant le voyage, tu peux manger. Dès que l'excuse se termine, il doit obligatoirement yani, continuer et terminer yani, les 2 mois qu'il a. Les 2 mois. Maintenant, s'il ne peut pas jeûner, il a essayé. Et vraiment, il ne peut pas. Alors, il doit nourrir 60 pauvres. 60 pauvres, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Maintenant, si, fa'inkan as-sawmu ghayra wajibin alayhi, kal musafir yujami'u zawjatahu wa huwa sa'im, fa'alayhi al-qada' duna kaffara. Maintenant, si le siyam n'est pas obligatoire pour lui, comme par exemple le voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Maintenant, s'il voyage avec sa femme pendant le ramadan, et ensuite, qu'il a fait un rapport. Donc, puisque ce n'est pas obligé de lui de jeûner. Donc, il n'a rien fait de haram, puisqu'il lui est permis de manger. Il lui est permis aussi d'avoir un rapport. Donc, ce n'est pas haram pour lui. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il doit rattraper un jour, yani, après le ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ça, c'est la première des choses qui annule. Le jeûne, c'est quoi? C'est le rapport sexuel pendant le ramadan, pendant la journée. La deuxième chose qui annule, inzalul mani bimubasharatin ou taqbilin ou dhammin ou nahwiha. Fa in qabbala wa lam yunzil fa la shay'a alayh. Ce qui annule aussi le siyam, c'est l'éjaculation. L'éjaculation. Que ça soit, yani, par le fait, yani, de caresser. Naam. Ou bien dham, c'est yani afwan taqbil, comme le fait d'embrasser, ou bien dham yani il enlace ou bien étreint yani son conjoint. Il a dit ou quelque chose qui est dans ce sens. Fa in qabbala wa lam yunzil, si l'embrasse et yani n'éjacule pas, il a dit il n'a rien, c'est-à-dire il n'a ni rattrapage, ni doit faire manger un pauvre, ni rien. Donc, pour résumer ceci, on va dire que, yani, l'éjaculation, l'éjaculation qui annule le jeûne, il faudrait qu'elle soit, yani, comment dirais-je, que ce soit la personne, yani, qui la fasse sciemment. Sciemment. Ce n'est pas comme, par exemple, une personne qui a éjaculé pendant qu'elle dormait. Celle-là, yani, elle continue à jeûner normalement, hein. Seulement, elle se lave pour prier. Pour prier. Et si maintenant la personne fait ça, naam, yani, l'éjaculation, on ne parle pas du rapport sexuel, bien sûr. L'éjaculation, par exemple, il embrasse jusqu'à ce qu'il ait éjaculation. Naam. Ou bien il joue avec sa femme jusqu'à éjaculer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce cas, il a annulé son siyam et il a un péché. Et il doit rattraper le jour. Pour Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit il n'a pas de péché. Pour Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit il doit rattraper le jour, il a un péché. Et il a cité un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est un hadith authentique, Allah ta'ala dit, en parlant du jeûneur, il dit il délaisse sans manger et sans boire et sa shahwa, sa tentation à cause de moi. Donc remarquez. Allah Ta'ala, yani, a fait les éloges du jeûneur. Pourquoi? Il a dit parce qu'il délaisse sans boire, sans manger, sans boire et sa tentation. Shahwa. Trois choses il a délaissées. Donc maintenant, ça prouve que le fait de manger, de boire, ou bien d'avoir sa shahwa et éjaculer pendant le ramadan, pendant la journée, que ces trois choses annulent bi'idhnillahi ta'ala. Mais on a dit, pour l'éjaculation, ça annule. S'il le fait sciemment, si par contre il dort et il trouve qu'il a éjaculé, donc il n'a rien, et il continue à jeûner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a un hadith hasan, hadith bon, où un vieux a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait embrasser son épouse pendant le ramadan. Et il lui a permis. Ensuite, un jeune est rentré et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait embrasser pendant le ramadan. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Pourquoi? Parce que le vieux, en général, il peut se retenir. Et sa tentation n'est pas comme la tentation d'un jeune qui, s'il commence à embrasser, la plupart du temps, ça va se terminer par un rapport. Et si ça se termine par un rapport, c'est très grave pour lui. Car, la moindre des choses, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et 2 mois consécutifs, ce n'est pas une chose facile. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Une seconde. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Non, pour le Hajj Fawzi, tu peux me donner ça quand on passe aux questions-réponses. La troisième chose qui annule le jeûne, qu'a cité le cheikh, c'est le fait de manger ou de boire. De manger ou de boire, yani, pendant le ramadan, comme ça, sciemment. Comme ça, yani, en sachant que c'est le ramadan, et il va manger ou bien il va boire. Ça y est, ça y est. الأكل والشرب وهو يصل طعم الجوف donc عن طريق الفم il a dit que ça soit par le biais de la bouche ou que ça soit par le biais du nez quel que soit ce qu'il a mangé ou quel que soit ce qu'il a bu نعم ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه il a dit de même que la personne ça ne lui est pas permis pendant le ramadan de comment on dit, yani de sentir, yani exprès, yani la fumée de l'encens. Vous connaissez l'encens, yani c'est comme du muscle, comme ça qu'on brûle et ensuite il commence à donner une fumée qui a une bonne odeur. Si quelqu'un, yani va vers cette fumée spécialement pour la ressentir comme ça avec le nez, pour l'inhaler avec le nez, yani, il la faire monter, yani dans le nez. Il a dit ça. Ça annule le jeûne. Certains savants ont dit bien sûr que ça n'annule pas, mais Cheikh Rahimahullah Ta'ala est de l'avis que ça annule. Il a dit, Naam, Dukhan Jorm. Il a dit parce que la fumée, c'est considéré comme yani, une substance. Naam. Et donc ça va arriver au, yani, ça va rentrer dans le ventre, dans l'estomac. Naam. Donc, c'est pas bien de le faire car ça annule d'après le shir. Ça annule. Quant au fait, il a dit de respirer comme ça, de sentir les bonnes odeurs, il a dit ce n'est pas interdit. Pour la personne qui sent un parfum, ou là, ce n'est pas interdit. Mais par rapport à l'encens, il a dit il faut y aller prendre garde. Quatrièmement, ce qui est annule, il a dit tout ce qui a le jugement qui ressemble au fait de manger et de boire, comme yani les perfusions qui contiennent des matières nutritives, comme le sérum par exemple. Il a dit qui nous permet, yani ces seringues ou là, ces perfusions qui nous permettent, par exemple, de s'en passer. De s'en passer du fait du boire et de boire et de manger. Quant aux perfusions qui ne contiennent pas de matière nutritive, elles n'annulent pas le jeûne. Qu'elles soient intraveineuses ou bien qu'elles soient dans les muscles. Qu'elles soient dans le muscle. Il a dit, ça n'annule pas. Cinquièmement, il a dit ce qui annule. Yani, il a dit, c'est yani, le fait de faire la hijama pendant le ramadan, pendant le jeûne. Il a dit, ça annule le siyam. Et moi, je dis, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit que le hijama n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Il a cité le hadith, bien sûr, parce que Cheikh Al-Albani n'a pas cité ici, mais sûrement qu'il a dû se baser sur le hadith qui dit Aftara al-Hajim ou le Mahjoum. Aftara, yani, a annulé son siyam, le Hajim, celui yani, qui fait le hijama, et celui à qui on a fait la hijama. Mais Cheikh Al-Albani rahmallahu a dit, ce hadith est authentique, mais abrogé, mansour. Après avoir dit ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, yani, pendant le ramadan, a fait la hijama. Il a dit donc, ce qui prouve que c'est permis de faire la hijama pendant le ramadan. Et Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis le plus fort, à condition bien sûr que quoi? Que je sache que ça ne va pas m'affaiblir au point où je ne vais plus pouvoir jeûner. Maintenant, si je sais que ça va m'affaiblir au point où que je vais plus pouvoir jeûner, je n'ai pas le droit de faire la hijama pendant le ramadan. Non. Donc cela dépend de la personne. Et sixièmement, ce qui annule le jeûne, le fait de vomir, yani, sciemment. C'est-à-dire, c'est moi qui choisis de vomir et je vomis. Hein. C'est comme la personne qui va rentrer son doigt, yani, dans son gosier pour vomir. Il a dit, si quelqu'un fait comme ça, elle a annulé son jeûne. Car à cause du hadith qui dit que toute personne qui dans le jeûne, dans le vomissement, yani, l'a dépassé et il est sorti de lui-même, il a dit ça n'annule pas. Non, il a dit, mais si la personne, c'est elle qui se fait vomir, elle a annulé son jeûne. C'est un hadith authentique, en ce sens. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen montre que celui qui se fait vomir pendant le ramadan, il a annulé son jeûne. Et dans un autre livre, il a montré que c'était interdit de se faire vomir. On se fait vomir quand on est en train de jeûner, un jeûne qui n'est pas obligatoire. Si maintenant j'ai envie de vomir, je vomis, je mets mon doigt, et alhamdoulilah. Mais par contre, si c'est pendant le ramadan, nam, il ne faut le faire que vraiment en cas de contrainte. S'il n'y a plus de solution que de se faire rentrer le doigt, on le fait. Sinon, on ne le fait pas, car on annule son jeûne. Et c'est haram d'annuler son jeûne. Naam. Dernièrement, sabi'an, ce qui annule le jeûne, khuruj dam al-hayd wa an-nifas. Khuruj dam al-hayd wa an-nifas. Yani, par rapport aux femmes, les menstrues et les lochies. Les menstrues et les lochies annulent le jeûne, bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh dit, wa hadhihi al-mufsidat la tufattir sa'im, il y a peut-être shurut. Il dit, et ce qu'on vient de citer, les annulatifs qu'on vient de citer, les sept, il dit, n'annule le siyam n'annule le jeûne, n'am, que si elles remplissent l'une des trois conditions, ou les trois conditions. La première, أن يكون عالما بالحكم عالما بالوقت. La personne, n'am, qui commet un de ces annulatifs doit avoir la connaissance du jugement, avoir la connaissance du waqt, c'est-à-dire de la période aussi et du moment. Comment cela? Une personne peut par exemple, pendant le ramadan, s'approcher de sa femme et faire un rapport, et ensuite on lui dit pourquoi tu as fait ça? Va jeûner 2 mois consécutifs. Non, il dit non, je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que c'était haram. Il dit je ne savais pas. Wallah al-Azim, je ne savais pas. J'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, ça fait une semaine seulement que je me suis, par exemple, reconverti. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tu n'as fait ni péché, ni tu dois rattraper, encore moins tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que la première des conditions, il doit avoir connaissance du jugement, du hukm. Donc la personne qui ignore une chose et la fait, n'a pas de péché et ne rattrape pas. C'est pour ça qu'il a dit la première condition, « أن يكون عالماً بالحكم » Il doit avoir la connaissance du jugement, que c'est haram. Naam. « وَعَالِمًا بِالْوَقْتِ » Et il doit avoir aussi connaissance du moment, car des fois, il sait que c'est haram. Très rare. C'est-à-dire, la personne, des fois, elle sait par exemple que nous sommes pendant le ramadan et nous sommes pendant la journée qu'il ne faut pas manger, par exemple. Mais des fois, elle ignore le moment. C'est-à-dire, il croit que par exemple, le soleil s'est couché. C'est-à-dire, s'il avait vu le soleil qui était sur sa tête, il n'aurait jamais mangé, il n'est pas fou. Mais il croit que le soleil s'est couché, il va manger. Ça s'est passé au temps du prophète, alayhi sallam, dans le hadith de Esma, dans le Bukhari. Elle a dit, il y avait des nuages, et on a cru que le soleil s'était couché. Ensuite, les nuages se sont dispersés. Et on a revu le soleil. Et bien sûr, on s'est arrêté de manger. Donc celui-là, il ignorait quoi? Il n'ignorait pas le jugement que le temps. Il croyait que c'était pas le temps de jeûner, que le soleil s'était couché. Donc ça, c'est la première condition. La personne doit connaître le jugement de l'annulatif, que telle et telle chose annule. Ça. La deuxième condition, il dit ici, أن يكون ذاكرًا. La personne doit ne pas oublier. Car il est possible que je sache que telle chose est interdite et annule, mais j'oublie. Donc il y a une différence. Des fois, on ne sait pas que telle chose est haram, mais des fois, on sait que c'est haram et on oublie, on l'a fait. Dans le premier cas, où quelqu'un ne sait pas, j'ai cité le cas du reconverti qui ne sait pas que le rapport sexuel pendant le ramadan est haram. Celui-là, il ne sait pas. Ensuite, maintenant, on lui a dit, telle chose est haram pendant la journée. Il dit, d'accord, maintenant je sais, je ne vais plus refaire ça. Et il l'oublie. Et il fait ça. Donc maintenant, ce n'est plus une question d'ignorance, mais c'est plutôt une question d'oubli. C'est comme, par exemple, moi, pendant le ramadan, le premier jour, j'oublie que c'est le ramadan, car c'est le premier jour. Donc j'oublie, et je vais quoi? Et je vais manger. On va me dire, pourquoi tu as mangé? Tu sais pas que c'est haram de manger? Je dis, si. Je sais que c'est haram de manger pendant le jour du ramadan. Mais le problème, c'est pas une question de savoir ou de pas savoir. C'est une question d'oublier. J'ai oublié. Donc, toute personne qui oublie, et fait un annulatif, son jeûne est toujours valable. D'ailleurs, le prophète, alayhi sallam, a dit dans un hadith authentique, « Men kana sa'iman » فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه انما الله عز وجل اطعمه وساقه. Quelque chose en ce sens. Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui, pendant son jeûne, oublie et mange ou boit, il a dit qu'elle continue alors à jeûner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger ou lui a donné à boire. Non. C'est Allah ta'ala qui l'a aidé et qui l'a fait oublier pour qu'elle mange et elle boive, yani, car elle en avait vraiment besoin. Donc je répète, toute personne qui oublie et fait un annulatif du siyam par oubli, on lui dit, tu es excusé. Allah ta'ala dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ne nous en veut pas si on oublie ou bien on se trompe. Il a dit, qad fa'alt. Il a dit, d'accord, je l'ai fait, yani, je ne vous en veux pas, rapporté par muslim. Non. Ça y est, ça c'est la deuxième condition. Il faut qu'il n'oublie pas. Et la troisième condition, an yakuna muhtaran. Il ne faut pas qu'il soit sous la contrainte. Car la personne, c'est possible qu'elle sache que telle chose est haram, c'est possible qu'elle n'oublie pas que telle chose est haram, mais, par exemple, quand elle va faire les ablutions, par exemple, hein, elle sait que c'est haram de faire entrer l'eau dans le ventre, hein, et elle n'oublie pas. Elle a ça entre ses yeux, elle sait que, hein, il faut pas que l'eau passe, mais à un certain moment, l'eau passe. Est-ce que maintenant elle a un péché? Mais son siyam, elle n'a pas annulé. Pourquoi? L'eau qui est rentrée dans son ventre, yani, est rentrée par contrainte. C'est pas elle qui a choisi et qui a dit, je vais faire laisser passer l'eau. Mais c'est rentré comme ça, sans qu'elle le veuille. Donc, puisque c'est sous l'effet de la contrainte, donc son jeûne est valide, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Son jeûne est valide, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est donc il faut toujours vous rappeler les trois choses. Première, connaissance du jugement. Est-ce que tu savais que cette chose était haram, ça a annulé ou tu savais pas? Si tu savais pas que ça a annulé, on lui dit ton jeûne est valide. Et tu peux avoir des péchés pour ne pas avoir demandé la science. Mais par rapport au jeûne, ce qui nous intéresse, ton jeûne est valide, car tu ne savais pas. Et la deuxième personne, même, qui sait et qui oublie. Elle dit, je savais, mais j'ai oublié, j'ai mangé, j'ai oublié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On lui dit, puisque tu as oublié, continue à jeûner le jour. Continue, ne rattrape pas, car tu as oublié. Et la troisième personne qui dit que pendant le ramadan, sans le vouloir, j'ai fait telle et telle chose. Sans le vouloir, j'ai amené quelque chose est rentré dans mon ventre, et en me brossant les dents, j'ai avalé, et comme ça des choses. Sans le vouloir, j'ai fait rentrer des choses dans mon ventre. On lui dit, puisque tu l'as fait sans le vouloir, sous l'effet de la contrainte, donc ton jeûne est valide, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, voilà, inshallah ta'ala, pour par rapport au siyam. Comme ça, quelques fawaïd importantes. Naam. Je dis, inshallah ta'ala, que c'est permis, par rapport au jeûneur, de mettre l'intention qu'il va jeûner alors qu'il est déjà en quoi? Alors qu'il est déjà en état de janaba, en état de pollution nocturne, ce qu'on appelle. Et ensuite, il va, inshallah ta'ala, se laver après, yani, le fajr. Donc, quelqu'un qui est en janaba, il peut mettre dans la niya que demain, inshallah ta'ala, c'est ramadan, je vais jeûner. Demain, je suis en état de jeûne, bi'idhnillahi ta'ala, même si maintenant il est en état de janaba. À condition que, bien sûr, après tolou al-fajr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laver, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, si jamais elle se purifie pendant le ramadan, l'oshi par exemple, ou bien des monstrues, avant le fajr, met dans sa tête que elle doit jeûner, bi'idhnillahi ta'ala, elle va jeûner cette journée, même si elle va ne se purifier par le lavage que après le fajr. Donc si une femme voit qu'elle est pure avant le fajr, elle ne s'est pas encore lavée. Elle met déjà dans l'intention que ce jour-là, je vais jeûner. L'intention doit être toujours avant le Fajr. Donc maintenant, puisqu'elle est pure avant le Fajr, elle met l'intention qu'elle va jeûner ce jour, même si elle ne s'est pas encore lavée. Et même si elle ne va se laver qu'après le Fajr bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est permis aux jeûneurs d'enlever, par exemple, une dent pendant le ramadan. Pendant le ramadan, c'est permis d'enlever une dent qui te fait mal. Naam. Ou bien de soigner, yani, des choses, de se soigner, choisir des blessures. Naam. Ou bien de se soigner chez le dentiste. À condition que j'essaye, naam, chaque fois de cracher. Je crache le sang. Naam. Et si maintenant, sans le vouloir, il y a du sang qui est rentré dans mon gosier, ça n'annule pas. Pourquoi? À cause de ce qu'on a cité tout à l'heure, que parmi les conditions, il y a quoi? Il y a la condition que ça soit pas sous la contrainte. Ça, c'est la contrainte. C'est pas moi qui ai voulu, yani, qui ai voulu avaler le sang. Il est rentré de lui-même. Moi, j'ai voulu cracher et lui, il est rentré. Non. C'est permis aussi pendant le ramadan de mettre des gouttes dans les yeux ou bien dans les oreilles. Dans les yeux ou dans les oreilles. Ce n'est pas permis de le mettre dans le nez. Dans le nez. On attend jusqu'au soir pour mettre dans le nez. Car dans le nez, ça passe directement, yani, dans le gosier. Mais par rapport aux yeux, nam, ou bien dans les oreilles, c'est permis. Et ça va en dire même s'il ressent quelque chose dans son gosier. À condition que ce soit le nez et, que ce soit les oreilles et que ce soit les oreilles et les yeux. Et les yeux, pas le nez. Donc, si je mets des gouttes pendant la journée du ramadan dans mes yeux ou dans mes oreilles et quelque chose arrive au gosier, ça ne fait rien. Parce que je n'ai pas mis ça ni dans ma bouche, ni dans le nez. Ce sont la bouche et le nez, ces deux-là qui sont interdits, pas les yeux et les oreilles. Non. Il est permis aussi aux jeûneurs, pendant la journée, même jusqu'à la fin de la journée, de mettre le siwak. Non. De faire l'istiyak, ce qu'on appelle istiyak, c'est-à-dire je sais pas comment on dit ça, mouhim. Le siwak, c'est permis pendant le ramadan. Non. Que ça soit au début de la journée, que ça soit à la fin de la journée. Reste une chose seulement, Yanni, par rapport au siwak. Une chose importante, c'est de dire quoi? C'est de dire que maintenant il y a des genres de siwak, yani modernes comme ça, qui ont des goûts. Siwak, qui a le goût comment ça s'appelle ça, comme du thé. Siwak qui a le goût de l'orange. Siwak qui a le goût de la menthe, voilà. Siwak qui a le goût des fraises, et je ne sais quoi. Celui-là, il faut s'en éloigner. Parce qu'il a vraiment un goût. Dès qu'il touche les dents, il commence à donner le goût. C'est comme si on mangeait quelque chose. Mais le siwak normal, l'arak, que vous connaissez tous, qui n'a aucun goût, celui-là, c'est permis du matin jusqu'au soir pendant le ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Il y a autre chose aussi. Autre chose, inshallah ta'ala, c'est permis aux jeûneurs, naam, d'alléger, naam, quand il fait vraiment chaud, yani, par exemple, de se mettre sous le climatiseur, naam, ou bien de prendre de l'eau et de se jeter dessus, ou bien de se mettre sous la douche, par exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths qui se trouvent dans Mishkat Masabi, de Cheikh Al-Albani, sous le numéro 2365, qui est authentique, que il jetait de l'eau sur sa tête, yani, quand il avait vraiment soif pendant le ramadan. Naam. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, aussi, il prenait un vêtement, le mouillait, et yani, le mettait sur sa peau. Naam. Et Anas, radiallahu ta'ala anhu, il avait un bassin dans sa maison, et pendant le ramadan, il se jetait à l'intérieur du bassin. Il se jetait à l'intérieur du bassin. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est permis à la personne, yani, de non seulement de nager, il dit, mais même de plonger. Pas seulement nager. Car quand on nage, on a la tête qui est hors l'eau. Même la tête qui n'est pas dans l'eau. C'est le corps qui est dans l'eau. Mais maintenant, si on plonge, ça veut dire on va faire entrer même notre tête. C'est permis. Mais on va dire à condition que je sais que j'ai l'habitude que quand je rentre ma tête, l'eau ne rentre pas. Car il y a des gens qui ne nagent pas beaucoup et qui n'ont pas cette habitude. Dès qu'il rentre sa tête dans l'eau, il commence à boire de l'eau. Il y a des gens ça fait 20 ou 30 ans, 40 ans qu'ils nagent. Et ils savent que s'il rentre yani, sa tête, et même il descend jusqu'au fond pour prendre un caillou, là il sait que rien ne va rentrer dans sa bouche. Donc, par prudence, celui qui a peur que l'eau rentre dans son ventre, qu'il nage sans faire rentrer sa tête yani, dans l'eau. Il laisse sa tête yani, à découvert. Non. Et c'est permis aussi pour le jeûneur, celui qui a l'asthme, non, de prendre ce qu'on appelle, je crois, le ventilo, quelque chose comme ça. Yani, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche et on appuie dessus et ça donne comme de l'air. Comme de l'air. Yani, ventoline. Ça permet à la personne, ventoline, ça permet à la personne, yani, d'élargir, yani, de lui faciliter, disons, la respiration. Les poumons, ça permet yani, aux poumons yani, de respirer, de mieux respirer pour ne pas se sentir asphyxié. Les savants disent c'est permis yani, qu'il prenne yani, la ventoline alors qu'il est en train de jeûner. Ce qui est permis aussi, ce qui est sunna aussi, c'est que par rapport au sahur, ce qu'on mange yani, pendant la veillée, c'est de le retarder. Et c'est de la sunna aussi, par rapport au manger, de le rapprocher. Ce n'est pas, il reste 1 heure pour aller manger. Dès qu'il c'est l'adhan, dès que c'est le coucher du soleil, il commence à manger bi'idhnillahi ta'ala. Et pour le sahur, c'est bien de le laisser jusqu'à ce qu'il reste, par exemple, une demi-heure avant le salat subh, ou bien 3 quarts d'heure. Non, mais ce n'est pas bien de manger vers, par exemple, vers minuit, ou bien vers 1 heure du matin, mais il faut le repousser, inshallah ta'ala, au maximum. Non. Il y a aussi autre chose, inshallah ta'ala, par rapport à quoi? Non. C'est sunna aussi que le soir, quand il va manger, après avoir jeûné, il va manger, il mange des dates qu'on appelle rotab, des dates qui sont très tendres. Ce n'est pas les dates que, par exemple, qui se trouvent en Algérie, qui sont dures. Non, il y a des dates qu'on appelle rotab, qui se trouvent beaucoup, par exemple, en Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Maintenant, si on n'en trouve pas, c'est sunna de manger des dates normales. Des dates normales. S'il n'y a pas de date, c'est sunna de boire de l'eau. De boire de l'eau. S'il ne trouve pas, eh bien, il mange n'importe quoi qui est halal. Et c'est bien de commencer par quelque chose, par exemple, qui est sucré. Quelque chose qui est sucré. S'il ne trouve rien, vraiment rien à manger, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il met l'intention dans son cœur qu'il a arrêté son siyam. Il met l'intention dans son cœur qu'il a arrêté son siyam bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, je dis maintenant, subhanak allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, inshallah ta'ala, 5 minutes pour que vous m'envoyiez vos questions bi'idhnillahi ta'ala. Faddal. Alors, faddal, puisque vous êtes prêts, faddal, je te donne le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Barakallahu fikum, cher, pour ce cours. Donc, Inch'Allah, on va commencer les questions. Donc, la première question. J'attends que le frère puisse l'afficher. Barakallahu fikum. Donc, question d'un frère. Doit-on couvrir les assiettes vides et les couverts, fourchettes, couteaux, biberons, etc., le soir pour éviter la maladie ? Qu'Allah descend une fois par an, et ce, toute l'année, ou seulement au Ramadan. Barakallahu fikum, cher, qu'Allah vous préserve. Tafadal ya cher. Non, ce que je sais, et yani, vous aussi faites des recherches, peut-être je me trompe, ce que je sais, c'est le fait de couvrir, ça a un rapport avec, yani, les casseroles, les marmites, etc. Et que ce n'est pas les fourchettes et les couteaux et autre chose, des biberons. Wallah, c'est ce que je sais. Non, biberon, plus ou moins, peut-être. Parce que si on le laisse ouvert, il y a quelque chose qui peut rentrer. Mais fourchette, couteau, etc., je ne connais pas ça. Si quelqu'un connaît ça, il y en a qui nous disent où il a lu ça. Ensuite, ce jugement n'est pas en rapport avec le Ramadan. Mais pendant toute l'année, bi'idnillahi ta'ala. Faddal. Barakallahu fikum, cheikh. On va passer à la deuxième question. J'attends que le frère l'affiche. Donc le frère il n'est pas là, je vais la lire directement. La femme qui allaite un bébé de 3 mois peut-elle jeûner allaitement exclusif? Non, 3 mois peut-elle jeûner, c'est un exclusif. Aussi pour une femme qui allaite et donne le biberon, lait artificiel. Pouvez-vous nous éclaircir sur le sujet? Qu'Allah vous élève en degré. Barakallahu fikum, cher. Tafaddal. Tayyib, je vais lire la question. Je n'ai pas. Je n'entendais pas ce que tu disais. C'est-à-dire, j'entendais, mais je n'étais pas avec toi. Tayyib. La femme qui allait un bébé de 3 mois peut-elle jeûner allaitement exclusif? Ça, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par allaitement exclusif. Aussi pour une femme qui allait et dans le biberon, les artificiels. Pouvez-vous nous éclaircir sur le sujet que l'on vous élève? Jeudi. Pour une femme qui allait un bébé, on voit une des deux choses. C'est-à-dire une femme qui allait un bébé, normalement elle jeûne. Elle jeûne comme tout le monde. Ensuite, si elle veut manger, on voit une des deux choses. Est-ce que si elle va jeûner, elle va léser son bébé, lui faire du tort, ou bien se léser elle-même et avoir des malaises et avoir des difficultés et ceci, cela. Non. S'il y a un de ces deux cas, elle peut ne pas jeûner, non, et faire nourrir un pauvre à la place du jour qu'elle n'a pas jeûné. Non. Et Cheikh Firkous, Hafidhullah Ta'ala, a dit à condition que le bébé ne dépasse pas 5 mois. Et bien sûr aussi à condition que le bébé et besoin d'allaitement. Si maintenant on n'allaite plus, on lui donne des soupes ou des bouillons, je ne sais pas quoi. Donc maintenant, on n'a plus le droit. Mais on parle de celle qui allaite. Celle qui allaite, elle voit. Si jamais, yani, elle arrête d'allaiter, enfin, si jamais elle jeûne, elle sait que donc le bébé va avoir, yani, elle va lui faire du tort. Ou bien, elle va se faire du tort à elle-même. Dans ce cas, elle peut ne pas jeûner, à condition qu'elle nourrisse après, il y en a pour chaque jour manger un pauvre. Wallah. Barakallahu fikum, cher. Prochaine question, question d'une sœur. Troisième question. Question sur la salate. Pour les personnes qui ont du mal à faire salat Aïcha, lorsque cela devient difficile pour difficile, peut-on rassembler avec le marlub plusieurs fois en sachant que parfois on ne dort pas directement après? Jazakallahu khair. Tafadhal ya chef. Pour les personnes qui ont du mal à faire salat isha lorsque cela devient difficile. La personne n'a pas expliqué comment cela devient difficile. Elle dit, peut-on rassembler avec le marel plusieurs fois en sachant que parfois on ne dort pas directement après. Par la fatigue. La personne qui va grouper entre salat maghrib et isha pour fatigue, elle ne doit pas le faire plusieurs fois et tout le temps. Si elle le fait, il y en a vraiment dans des cas où elle sent qu'elle est KO. Et que si jamais, il y en a, elle ne va pas grouper, il y en a, elle ne va pas prier isha. Parce que c'est pour ça qu'il y a par exemple un hadith qui dit que, par exemple que yani c'est pas bien de dormir après le maghrib. Pourquoi c'est pas bien justement? Parce que si quelqu'un dort après le maghrib, c'est sûr qu'il va pas prier l'Isha. Il va continuer jusqu'à 3 heures du matin peut-être. Et tout le monde sait que si on dépasse la moitié de la nuit, ça veut dire que salat l'Isha, son moment est sorti. On va prier maintenant avec quoi? Avec yani des péchés. Naam. Et certains croient que ce qui est interdit, c'est de ne pas dormir après l'Asr. Alors que c'est faux. Les hadiths qui sont dans ce sens ne sont pas authentiques. Mais l'authentique, c'est que c'est déconseillé de dormir après Maghrib. Pourquoi? C'est ça la cause. Si tu dors après Maghrib, tu ne vas plus te réveiller. La plupart du temps, tu ne peux pas te réveiller pour Isha. Pour Isha. Naam. Donc, maintenant, si c'est quelqu'un qui est malade, ou grande fatigue et qu'il fait de temps en temps. Non, il peut. Mais si maintenant, chaque soir elle dit, je suis fatigué et donc je vais grouper. Ça, c'est pas vrai. Non, elle ne doit pas grouper, mais patienter jusqu'à prier Isha et s'endormir. Ou alors, elle profite de dormir après Maghreb, même si c'est déconseillé. Elle dort à condition d'être sûre ou de mettre le réveil pour se réveiller pour prier Isha. Sinon, la base serait de ne pas dormir à cause de hadith qui déconseille. Mais s'il n'y a plus que les deux solutions, ou bien ne pas prier du tout, ou bien dormir après le maghrib, mais se lever pour prier. Donc le moindre mal, c'est cette chose. Wallahu ta'ala alam. Quant aux malades, les personnes malades, celui-là, s'il fait ça pour maladie, yani, il est excusé bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal, wallahu azza wa jalla a'lam. Barakallahu fikoum cheikh. Donc, question suivante, question numéro 4, question d'une sœur. Ma sœur demande, elle est enceinte et ne peut pas jeûner. Comment doit-elle faire la compensation de son jeûne? Doit-elle nourrir un pauvre chaque jour pendant le mois de Ramadan? Ou peut-elle payer sa dette après le Ramadan? Et peut-elle donner de l'argent aux pauvres pour qu'ils s'achètent de la nourriture, ou faut-il offrir de la nourriture? Barakallahu fikoum. Tafadhal ya cheikh. Quand une personne ne peut pas jeûner, et que... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand une personne ne peut pas jeûner, et que elle n'est pas du genre qui, yani, elle va rattraper après. Ça ne s'applique pas à ça. Mais après, elle doit jeûner un pauvre. Comme par exemple celle qui est enceinte. Non, par exemple, dans ce cas, elle a libre choix. Entre. Ou bien, chaque soir par exemple, non, puisqu'elle a mangé pendant la journée, chaque soir par exemple, elle fait manger quelqu'un. Donc, à chaque fois qu'elle mange le jour, non, pendant la soirée, elle fait manger un pauvre bi'idhnillahi ta'ala. Ou bien, elle laisse, comme faisait Anas radiallahu ta'ala anhu, quand le mois se termine, naam, yani, elle ramène yani, les pauvres et les fait nourrir. Ou bien tous à la fois, ou bien par dizaines, ou bien 5-5, ou bien 2-2, ou bien à chaque fois qu'il y a occasion, elle fait nourrir quelqu'un. L'essentiel, elle ne laisse pas le prochain Ramadan arriver. Il faut qu'elle fasse ça avant le Ramadan prochain, Ensuite, il y a une chose. Comment qu'elle fait? Elle n'a pas le droit de donner de l'argent aux pauvres. Parce que le pauvre, rien ne prouve qu'il va manger avec. Il se peut qu'il achète des cigarettes. Le pauvre, il se peut qu'il aille au cinéma. Il se peut qu'il aille au stade. Et comme ça. Donc, il faut qu'il mange. Allah Ta'ala dit, il faut qu'il mange. Donc, ou bien c'est elle l'invite et lui donne à manger, ou bien elle lui achète à manger et lui envoie le sachet ou le couffin. Ensuite, lui, s'il ne mange pas, il veut jeter ça ou bien il va vendre ce qu'elle lui a donné, il est libre. Le muhim, elle lui a donné à manger. Ou bien, comme j'ai expliqué une fois, si elle connaît quelqu'un qui a un petit restaurant modeste, elle demande c'est combien quelqu'un qui mange chez vous et lui donne autant d'argent pour qu'il fasse manger les pauvres, bi idhni ta'ala, à condition qu'il soit quelqu'un de confiance, inshallah ta'ala. Faddal. Barakallahu fikoum cher. On passe à la cinquième question. Question d'une sœur. Est-il préférable pour une femme d'accomplir salat tarawih à la maison? Si oui, comment doit-elle procéder? Barakallahu fikoum cher. Tafaddal. Non, il me semblait que tu avais aussi une question sur le hajj. Tu ne l'as pas encore posée. Par rapport à salat tarawih, non, il est préférable, yani, à la femme de le faire à la maison. C'est l'avis de beaucoup de savants. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant, si elle le fait à la maison, non, yani, ou bien elle lit, d'après ce que elle a appris du Coran, n'am, ou bien, comme certains savants le disent, elle peut lire du Coran. Elle peut lire du Coran, et comme le faisait aussi Aïcha, radiallahu ta'ala, n'am. Donc, elle choisit. La meilleure des choses serait qu'elle lise ce qu'elle a appris, mais des fois, on ne connaît pas beaucoup. Donc, c'est possible qu'elle mette le Coran comme ça devant elle, et qu'elle lise et tourne les pages à chaque fois qu'il faut tourner. Et maintenant, s'il n'y a pas de fitna, etc., et qu'elle va à la mosquée, yani, inshallah ta'ala, que c'est permis. Non. Le nombre de rakat, le mieux serait qu'elle ne dépasse pas 13. Non. C'est-à-dire, 13 avec quoi? Avec ce qu'on appelle le 8. Rappelle les gens de la masse, le chef et le huître à la fin. Naam, tfadl. Barakallahu fikoum cher. Donc on passe à la sixième question, question d'un frère. Si une personne donc fait une annulation du jeûne, comme exemple, il se masturbe, il l'a fait mais n'avait pas l'intention, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le faire, mais le shaitan l'a eu. Et comment doit-il expier ce jour de jeûne? Vous l'avez expliqué, mais je ne l'ai pas compris. Tafadar Yachir. Naam, alaykoum salam, wa barakatou. Si la personne, par exemple, dit ici, naam, qu'elle fait un annulatif, par exemple, en se masturbant, naam, ici, bien sûr, il va avoir ce qu'on appelle éjaculation. Et pourtant, s'il fait un rapport avec son épouse, il va avoir aussi éjaculation. Et pourtant, c'est pas la même chose. En ce sens que, s'il a fait un rapport, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Alors que s'il s'est masturbé, il a seulement le péché, l'âme, le péché, et il rattrape seulement un jour. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et il a fait un péché de le faire pendant le ramadan et d'avoir, de s'être masturbé aussi, qui est un péché en lui-même, même si c'est pas pendant le ramadan. Naam. Faddal. Barakallahu fikoum cheikh. On passe à la septième question, question d'une sœur. À partir de quel âge peut-on faire jeûner nos enfants? Barakallahu fikoum cheikh, qu'Allah vous récompense, ainsi qu'aux admins. Tafadal Yachir. Non, on commence à les faire jeûner jeunes. Par exemple, Comme la salat. La salat, combien, quand est-ce qu'on commence? À 7 ans, la salat. Ça? Mais on peut avant. Non, on peut avant. Tayyib. Mais, si maintenant on n'a rien fait, à 7 ans, on doit le faire comme dans le hadith. Et à 10 ans, on commence à frapper. Maintenant, le siyam, c'est d'après l'enfant. L'enfant qui aime le siyam et qui, ça lui plaît, etc. À 5, 6 ans, 7 ans, déjà jouit, il commence. Quelques jours, un jour, deux jours. Non. Et chaque année, ça progresse. Cette année, par exemple, il a jeûné deux jours. Prochain ramadan, 5 jours, 10 jours. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il commence à jeûner tout le ramadan, s'il est devenu puberbe, idhnaï ta'ala. Donc, rappelez-vous le hadith des sahaba, qui se trouve dans le Bukhari, les sahabiyettes, qui prenaient leurs enfants à la mosquée pendant le ramadan, et yani, quand ils commençaient à pleurer, etc., elles leur fabriquaient des ballons en laine. Des ballons en laine. Donc, un enfant qui pleure, ça veut dire qu'il est vraiment à bas âge, s'il pleure, jusqu'à lui donner un ballon pour qu'il se taise. Donc, c'est année pour apprendre l'enfant à ce qu'il jeûne. Maintenant, s'il a commencé à midi, il peut plus, il a dit je mange, on le laisse manger parce que c'est pas obligatoire. On essaie de l'encourager pour qu'il tienne. S'il peut pas, il dit non, je peux pas, c'est trop mal, etc. Je lui fais un rappel si je vois que ça commence à faire lui mal au point où peut-être, il va vomir ou tomber ou là. Naam, il vaut mieux qu'il mange bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadl. Barakallahu fikoum cher. On passe à la huitième question, une question d'une sœur. Par contre, cher Afouane, il y a plusieurs questions dans une question. Désolé, c'est moi qui n'ai pas vu. Khair, inshallah. Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la fidia, la nourriture que la femme enceinte doit donner aux pauvres, en compensation de son non-jeûne. Voici nos questions. Qui sont les personnes qualifiées de pauvres aujourd'hui? Si on ne trouve pas de pauvres dans notre entourage, comment faire? Si on a des doutes que les mosquées de nos quartiers, à cause de leur minhaj, distribuent bien les repas qu'on laisse aux pauvres, comment faire? Et enfin, doit-on donner de la nourriture à 30 personnes différentes ou peut-on réunir et tout donner à une seule et même personne si on a des difficultés à trouver? Et si, en dernier recours, on ne trouve vraiment pas de pauvres dans nos villes, peut-on envoyer de l'argent en Algérie à des personnes de confiance pour qu'elles nourrissent leur famille dans le besoin? Barakallahu fikoum, wa jazakallahu khairan pour vos efforts, car Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne et exauce votre dua. Amin. Barakallahu fikoum, cher. Tafaddal. Tayyib, je vais essayer de lire d'abord, inshallah ta'ala. Tayyib, la femme enceinte doit donner aux pauvres en compensation. Tayyib, voici ma question. Qui sont les personnes qualifiées de pauvres aujourd'hui? Tayyib, le pauvre, il y a le pauvre, il y a le miskin et il y a le faqir. Il y a ce qu'on appelle le miskin et le faqir. Le miskin, c'est celui qui n'a pas la différence entre lui et le faqir. Je ne sais pas comment on dit en français miskin et faqir, mais ça existe en arabe. Le miskin, le faqir n'a pas la moitié de ce qu'a le miskin. C'est-à-dire le miskin, il est plus riche que le faqir. Ou alors disons, un pauvre et nécessiteux, d'accord. Disons que le pauvre est plus pauvre que le nécessiteux. Le pauvre est plus pauvre que le nécessiteux. Mouhim. Donc je disais, le pauvre et le nécessiteux, ça change peut-être d'un pays à l'autre. Peut-être un pauvre chez vous, c'est quelqu'un de riche chez nous. Un pauvre chez nous en Algérie, c'est quelqu'un de riche, par exemple, au Zimbabwe, ou là au Soudan, ou là je ne sais pas. Ça peut changer d'un pays à l'autre. C'est pour ça, il n'y a pas quelque chose qui peut montrer comme ça à 100%, c'est qui le pauvre. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, par rapport à Zakat al-Mal, quand Allah ta'ala dit qu'il faut la donner aux pauvres et aux nécessiteux, il a dit, il se peut que ce soit quelqu'un qui travaille, ce pauvre. Il travaille, il a une paye, mais ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Avec sa femme et ses enfants et les dettes qu'il a, et ceci, cela. Le moyen. Ça, c'est par rapport à la première question. Si on ne trouve pas de pauvres dans notre entourage, comment faire? Les pauvres, c'est pas obligé que ça soit dans ton entourage. C'est mieux que ça soit dans ton entourage, dans ta ville, dans ton pays. Mais s'il n'y en a pas, il y a des pauvres ailleurs. Si on est sûr de faire arriver cet argent ailleurs, et que ça va tomber, on est sûr que ça va tomber dans les mains du pauvre, on envoie là-bas. Mais, ça c'est par exemple par rapport à Zakat. Mais ici, comme c'est, on doit faire manger. Donc, je ne dois pas lui envoyer de l'argent aux pauvres dans un autre pays, car peut-être qu'il ne va pas les manger. Par contre, si je connais quelqu'un dans un autre pays, il n'y a pas de pauvre chez moi, et ce quelqu'un, c'est un homme de confiance, digne de confiance, tu lui envoies l'argent à lui, pour le déléguer, pour qu'il fasse nourrir à ma place. Je lui dis, Barakallahu fik, fais nourrir 10 pauvres à ma place. Ils n'ont pas, donne-leur de l'argent. Mais fais-les nourrir, bi-idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit, si on a des doutes que les mosquées de nos quartiers, comme le minhaj, distribuent bien les repas qu'on laisse aux pauvres, comment faire? Ça, j'ai pas compris. On a des doutes que les mosquées de notre quartier distribue bien le repas qu'on laisse aux pauvres. On a des doutes. Si on a des doutes, on s'en éloigne. On donne là où on n'a pas de doute. Là où on n'a pas de doute, bi-idhnillahi ta'ala. Et ensuite, on n'est pas obligé d'aller chercher et faire comment ça s'appelle ça, aller d'espionnage. Non. Mais maintenant, si on a des doutes, on s'éloigne. Mais si on n'a pas de doute, et on sait qu'il donne aux pauvres à manger, on donne. Doit-on donner de la nourriture à 30 personnes différentes ou peut-on réunir et tout donner à une seule et même personne si on a des difficultés? Naam, ça c'est seulement si on a des difficultés. La base, c'est que les personnes ne doivent pas être les mêmes. C'est ça la base. Mais si on ne trouve pas, on ne trouve qu'une seule personne, on donne à cette personne. Mais yani la base, c'est que si j'ai mangé 2 jours, je nourris 2 pauvres. Si j'ai mangé 10 jours, je dois nourrir 10 pauvres. Et comme ça. Mais maintenant, si je suis dans une forêt et il n'y a que moi et un pauvre, je suis obligé de donner tout à ce pauvre. Parce qu'il n'y a que lui. Sinon, je dois faire profiter yani il y en a plusieurs gens, bi-idhnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'il reste ici? Mais si, en dernier recours, on ne trouve vraiment pas de pauvres dans nos villes, peut-on envoyer de l'argent en Algérie à des gens de nourrice, des gens de confiance qui les nourrissent? On peut le faire. Et j'ai déjà répondu, inshallah ta'ala, tfadl. Barakallahu fikoum cheikh. Donc, prochaine question, 9e question, question d'un frère. Peut-on rester éveillé la nuit pendant le Ramadan et rattraper le sommeil le jour si on vit tout seul et qu'on a peur de ne pas se lever pour le suhoor? Tafadhal ya cheikh. Vous savez que dans le hadith, yani que le prophète yani déconseillé de dormir avant l'Aïcha et déconseillé de parler après l'Aïcha. Ça, vous connaissez le hadith. Maintenant, pendant le Ramadan, des fois, comme cette année par exemple chez nous en Algérie, l'Aïcha c'est déjà 22 h presque et quelques. Et quand on termine Tarawih, c'est déjà yani minuit ou la minuit passée. Ensuite, le Fajr, c'est juste à 3 h du matin. Non, beaucoup de gens ne vont pas dormir. Mais ceux qui ne vont pas dormir se divisent en deux. Il y en a qui ne vont pas dormir parce qu'ils vont passer les nuits à danser, à rigoler, à chanter. Et il y en a d'autres qui vont pas dormir parce que peut-être ils assistent à des cours, peut-être ils ont peur de louper Salat Sop, peut-être. Donc il y a une différence entre les deux. Un moyen. Donc si quelqu'un a veillé à aller toute la nuit jusqu'au Fajr, il est obligé que pendant la journée, il va dormir. Mais il fait son possible de ne pas dormir toute la journée. Il fait son possible de ne pas dormir toute la journée. Même s'il dort yani le matin, à la rigueur, quand il se lève yani, Après, il va prier, yani, dehors, etc. Et, yani, il essaye de lire ou quelque chose comme ça ou là. Naam. Wallah Azza wa Jal alam. Maintenant, si après le Asr ou là, il va redormir, naam, on ne peut pas lui dire que c'est haram, mais il n'a pas fait, yani, la meilleure chose. Quel conseil donneriez-vous à nos frères et sœurs qui rentrent dans ce mois béni avec de grands péchés? Qui rentrent dans ce mois béni avec de grands péchés? J'ai pas compris comment qu'ils rentrent avec de grands péchés. J'ai pas compris. C'est ce qu'il veut dire que pendant pendant ce mois péché, il fait de grands péchés. Pendant ce mois béni, il fait de grands péchés, ou bien il veut dire que il n'a pas fait de repentir, il est plein de péchés, il va jeûner. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ceux qui sont dans les péchés, comme aider à délaisser peut-être. Comme aider à délaisser. Habib, j'ai pas compris encore, hein. J'ai pas encore compris. On me rapporte ici que Yani, quelqu'un a dit que le prophète Aslam Yani a fait le Hajj 9 fois. 9 fois. Naam. Je dis, ce qui est connu chez les savants, c'est qu'il a fait une seule fois le Hajj. Il a fait une seule fois le Hajj. Ça s'appelle Hajjat al-Wada. Naam. Et c'est pas connu de lui, alayhi sallam, qu'il a fait ça plus d'une fois. C'est ça, la vie le plus juste et le plus fort, inshallah ta'ala. Conseil pour éloigner. Tfadl. Voilà que là on fait comme cher. Donc en fait la personne, Allah, elle dit, quand elle dit quel conseil donneriez-vous à nos frères et sœurs qui rentrent dans ce mois béni avec de grands péchés, en fait si par exemple la personne si elle a commis zina avant que le mois béni rentre et qu'elle ne s'est pas repentie en fait. Voilà. Allahu alam. Donc de toute façon j'attends des infos, Inch'Allah. Et par contre, Chir, par rapport à la question du Hajj, non, ce n'était pas moi. Non, par rapport à la question du Hajj, dans le cours passé, on avait dit que le prophète Aslam avait fait un seul Hajj, 4 Amra, et avait jeûné 9 Ramadan. Peut-être que la personne s'est trompée, au lieu de dire 9 Ramadan, a dit 9 Hajj. Wallahu alam, c'est ce que je pense. Au lieu de dire qu'il a jeûné 9 Ramadan, il a dit qu'il a fait le Hajj 9 fois. Wallahu alam, car c'est impossible de faire une faute pareille, wallahu alam. Sachant que le prophète Aslam n'a fait le Hajj qu'une seule fois. Par rapport au Ramadan, je dis, c'est une occasion en or pour la personne, bi-idhna subhanahu wa ta'ala, yani, de se laver de ses péchés, de faire le repentir, et de faire yani, un bon Ramadan, bi-idhna ta'ala, pour que Allah ta'ala pardonne à la personne. Car comme dans le hadith, le Ramadan, au Ramadan, annule tous les péchés. Entre un ramadan et l'autre, tous les péchés qu'il y a entre les deux sont annulés si quoi? Si on s'est éloigné des grands péchés, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani, comme dans le hadith authentique, l'âme, il a dit en ce sens, hein, en ce sens que, yani, la personne qui atteint le ramadan, ensuite, yani, Ramadan le quitte la personne. Et la personne, yani, n'a fait ni repentir ni rien. Il a dit que, en ce sens, que cette personne, yani, que elle ne contient pas beaucoup de khair. Là. Pourquoi? Parce que c'est une occasion en or pour la personne qui a fait des fautes, etc., de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le grand pardonneur. Maintenant, si la personne, le ramadan va venir, il va jeûner 1 mois, et ensuite après le ramadan, rien n'a changé en la personne. Rien n'a changé. Elle est toujours la même, l'âme, toujours en train de faire la médisance, toujours si elle parle, elle dit des gros mots, toujours en train d'écouter de la musique, toujours. Donc ce ramadan n'a pas influé sur elle. Yani, c'est comme si le Ramadan n'est pas venu, il n'est pas parti. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Alors que le Ramadan, subhanallah, il doit yani, laisser ses traces sur la personne. Laisser son impact, un impact sur la personne, de façon à ce que yani, la personne change. Bi-idhnillah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Et si vous pouvez, Allah subhanahu wa ta'ala alam, je ne sais pas si vous pouvez, mais c'est possible, inshallah, pendant le Ramadan, yani, vers 18 h comme aujourd'hui, par exemple, là, ou bien pendant la veillée, yani, de faire yani, certains rappels, inshallah ta'ala. Donc, si je peux et vous pouvez, on se rencontrera, inshallah ta'ala, pendant le Ramadan, et vous me suivez, inshallah ta'ala, sur le Twitter. Vous me suivez sur le Twitter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته puisse الله سبحانه وتعالى nous aider tous à jeûner ce mois avec sincérité et puisse الله سبحانه وتعالى faire de sorte que يعني il fasse de ce mois يعني il nous donne des récompenses qu'on va trouver le jour où on va le rencontrer عز وجل السلام عليكم ورحمة الله